Je vous dis, monsieur, que je l'attends ici. Je vous dis qu'elle s'y rendra, que j'en suis sûr, et que j'y compte comme si elle y était déjà. Et moi, je n'en crois rien. C'est que vous ne savez pas ce que je vaux. Mais une fille ne s'y trompera pas. J'ai vu la friponne jeter sur moi de certains regards qui n'en demeureront pas là, qui auront des suites, vous le verrez. Nous n'avons vu la maîtresse et la suivante qu'une fois. Encore ce fut par un coup de hasard que nous les rencontrâmes hier dans cette promenade-ci. Elles ne furent avec nous qu'un instant, nous ne les connaissons point. De ton propre aveu, la suivante ne te répondit rien quand tu lui parlas. Quelle apparence y a-t-il qu'elle ait fait la moindre attention à ce que tu lui dis? Monsieur, faut-il encore vous répéter que ses yeux me répondirent? Ce qu'ils disent est encore plus sûr que des paroles. Mon maître en tient pour votre maîtresse, lui dis-je tout bas en me rapprochant d'elle. Son cœur est pris, c'est autant de perdu. Celui de votre maîtresse me paraît bien aventuré. J'en crois la moitié partie et l'autre en l'air. Du mien, vous n'en avez pas fait à deux fois. Vous me l'avez expédié d'un coup d'œil. En un mot, ma charmante, je t'adore. Nous reviendrons demain ici, mon maître et moi, à pareille heure. Ne manque pas d'y mener ta maîtresse, afin qu'on donne la dernière main à cet amour-ci qui n'a peut-être pas toutes ses façons. Moi, je m'y rendrai une heure avant mon maître, et tu comprends bien que c'est invité d'en faire autant, car il sera bon de nous entendre sur tout ceci, n'est-ce pas? Nos cœurs ne seront pas fâchés de se connaître un peu plus à fond. Qu'en penses-tu, ma poule? Y viendras-tu? Et à cela, nulle réponse. Oh, vous m'excuserez. Quoi, elle parle à don? Non. Alors, que peux-tu dire? Comme il faut du temps pour prononcer des paroles, et que nous étions très pressés, elle mit, comme je vous l'ai dit, des regards à la place des mots pour aller plus vite. Et se tournant de mon côté avec une douceur infinie, « Oui, mon fils, me dit-elle, sans ouvrir la bouche, oui, je m'y rendrai, tu peux compter là-dessus, viens-y en toute confiance et tu m'y trouveras. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je vous le rends mot pour mot, comme je l'ai traduit d'après ses yeux. Tu rêves. Enfin, je l'attends. Mais vous, monsieur, croyez-vous que la maîtresse veuille revenir? Ah, je n'ose m'en flatter, cependant je l'espère un peu. Tu sais que notre conversation fut courte. Je lui rendis le gant qu'elle avait laissé tomber. Elle me remercia d'une manière très obligeante de la vitesse avec laquelle j'avais couru pour la ramasser et se démasqua en me remerciant. Ah, que je la trouvais charmante. Je croyais, lui dis-je, partir demain et voilà la première fois que je me promène par ici, mais le plaisir d'y rencontrer tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde m'y ramènera plus d'une fois. Le plaisir d'y rencontrer, pourquoi ne pas dire l'espérance? Ça aurait été indiqué adroitement un rendez-vous pour le lendemain. Ah oui, mais ce rendez-vous indiqué l'aurait peut-être empêché d'y venir par raison de fierté. Au lieu qu'en ne parlant que du plaisir de la voir, c'était simplement supposer qu'elle vient ici tous les jours et lui dire que j'en profiterai sans rien toutefois m'attribuer de la démarche qu'elle ferait en y venant. Tenez. Tenez, monsieur, suis-je un bon traducteur du langage des œillades? Eh, direz-vous que je rêve? Voyez-vous cette figure tendre et solitaire qui se promène là-bas en attendant la mienne? Je crois que tu as raison et que c'est la suivante. Je l'aurais défié d'y manquer. Je m'y connais. Retirez-vous, monsieur. Ne gênez point les intentions de ma belle. Ramenez-vous de notre côté. Je vais m'instruire de tout et j'irai vous rejoindre. Hé Bonjour, cher enfant. Mais reconnaissez-moi. Me voilà. C'est le véritable. Mais que voulez-vous, monsieur le véritable? Je ne cherche personne ici, moi. Oh, que si vous me cherchiez, je vous cherchais. Vous me trouvez, je vous trouve, et je défie que nous trouvions mieux. Comment vous portez-vous? Fort bien. Et vous, monsieur? À merveille. Voilà des appâts dans la compagnie desquels il serait difficile de se porter mal. Oh, vous êtes aussi galant que familier. Et vous aussi ravissante qu'hypocrite. Allons. Allez, mettons bas les façons. Vivons à notre aise. Tiens, je t'aime. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Tu m'aimes, tu ne me l'as pas dit, mais je n'en doute pas. Donne-toi donc le plaisir de me le dire. Tu me le répéteras après et nous serons tous deux aussi avancés l'un que l'autre. Tu ne doutes pas que je ne t'aime, dis-tu? Entre nous, ai-je tort d'en être sûr? Une fille comme toi manquerait-elle de goût? Là, regarde-moi pour vérifier la chose. Tourne un peu sur moi, cette prunelle friande que tu avais hier et qui m'a laissé pour toi le plus tendre appétit du monde. Tu n'oses? Tu rougis? Allons, mamou, point de quartier, finissons cet article-là. Laisse-moi. Non, ta fierté se meurt, je ne la quitte pas que je ne l'ai achevé. Dès que tu as deviné que tu me plais, n'est-ce pas assez? Je t'en apprendrai pas davantage. Il est vrai, tu ne feras rien pour mon instruction, mais il manque à ma gloire le ragoût de te l'entendre dire. Tu veux donc que je la régale aux dépens de la mienne? La tienne, pas le semble, je t'aime. Que lui faut-il de plus? Mais je ne te hais point. Ah, allons, tu me voles, il n'y a pas là ce qui m'est dû. Fais-moi mon compte. Hein? Tu me plais. Tu me retiens encore quelque chose, il n'y a pas la maçonne. Eh bien donc, je t'aime. Un bis, et me voilà payé. Le bis viendra dans le cours de la conversation. Non, fais-moi un crédit pour à présent, ce serait trop de dépenses à la fois. Non, ne crains pas la dépense. Je mettrai ton cœur en fond, va. Ne t'embarrasse pas. Parlons de nos maîtres. Premièrement, qui êtes-vous, vous autres? Nous sommes des gens de condition qui retournons à Paris et de là à la cour qui nous trouve à redire. Nous revenons d'une terre que nous avons dans le Dauphiné. En passant, un de nos amis nous a arrêtés à Lyon, puis il nous a conduits à cette campagne-ci où deux paires de beaux yeux nous raccrochèrent hier pour autant de temps qu'il leur plaira. Ah, et où sont-ils, ces beaux yeux? En voilà deux ici. Ta maîtresse et les deux autres. Et que fait ton maître? La guerre, quand les ennemis du roi nous raisonnent. C'est-à-dire qu'il est officier. Et son nom? Le marquis Ergaste. Et moi, le chevalier Frontin, comme cadet de deux frères que nous sommes. Ergaste? Mais ce nom-là est connu. Et tout ce que tu me dis là nous convient assez. Quand les minois se conviennent, le reste s'ajuste. Mais voyons, mes enfants, qui êtes-vous à votre tour? En premier lieu, nous sommes belles. On le sent encore mieux qu'on ne le voit. Le compliment vaudrait une révérence. Passons. Vous êtes belle, après. Nous sommes orphelines. Orphelines, expliquons-nous. L'amour en fait quelquefois des orphelins. Êtes-vous de sa façon? Vous êtes assez aimable pour cela? Non, impertinent, non. Il n'y a que 2 ans que nos parents sont morts. Gens de condition aussi, et qui nous ont laissés très riches. Voilà de fort bons procédés. Ils ont eu pour héritière 2 filles. Elles vivent ensemble, dans un accord qui va jusqu'à s'habiller l'une comme l'autre. Elles ont toutes deux presque le même son de voix, sont toutes deux blondes et charmantes, et se trouvent si bien dans leur état qu'elles ont fait serment de ne point se marier et de rester filles. Ne point se marier fait un article, mais rester fille en est un autre. C'est la même chose. Oh, que non. Quoi qu'il en soit, nous protestons contre l'un ou l'autre de ces 2 serments. Comment s'appelle celle que nous aimons? Clarisse, c'est l'aînée, et celle à qui je suis. Que dit-elle de mon maître? Depuis qu'elle l'a vue, comment va son vœu de rester fille? Si ton maître s'y prend bien, je ne crois pas qu'il se soutienne. Le goût du mariage l'emportera. Voyez le grand malheur. Combien a-t-il de ces vœux-là qui se rompent à meilleur marché? Et dis-moi, mon maître l'attend, va-t-elle venir? Je n'en doute pas. Sera-t-elle encore masquée? Oui, en ce pays-ci, c'est l'usage en été quand on est à la campagne, à cause du hâle et de la chaleur. Mais n'est-ce pas Ergaste que j'aperçois là-bas? Oui, c'est lui-même. Je te quitte donc, informe-le de tout. Oh, encourage son amour. Si ma maîtresse devient sa femme, je me charge de t'en fournir une. Me la fourniras-tu en conscience? Oh, impertinent. Je te conseille d'en douter. Le doute est de bon sens. Tu es si jolie. Eh bien, que dit la suivante? Qu'elle dit? Ce que j'ai toujours prévu. Que nous triomphons, qu'on est rendus. Et que quand il nous plaira, le notaire nous dira le reste. Comment? Est-ce que sa maîtresse lui a parlé de moi? Si elle en a parlé. On ne tarit point. Tous les échos du pays nous connaissent. On languit, on soupire, on demande quand nous finirons. Peut-être qu'à la fin du jour, on nous sommera d'épouser. C'est ce que j'ai pu juger d'après les discours de Lisette. Et la chose vaut la peine qu'on y pense. Clarisse, fille de qualité d'un côté, Lisette, fille de condition de l'autre, cela est bon. La race des Frontins et des Ergastes ne rougira point de leur devoir son entrée dans le monde et de leur donner la préférence. Il faut que l'amour t'ait tourné la tête. Explique pas donc mieux. Aurais-je le bonheur de ne pas déplaire à Clarisse? Oui. Comment vous expliquez-vous vous-même? Vous parlez du temps d'un suppliant et c'est à nous que l'on présente requête. Je vous félicite, Oreste. Vous avez dans votre victoire un accident glorieux que je n'ai pas dans la mienne. On avait juré de garder le célibat, vous triomphez du serment. Je n'ai point cet honneur là, moi. Je ne triomphe que d'une fille qui n'avait juré de rien. Écoute, dis-moi naturellement si l'on a du penchant pour moi. Oui, monsieur. La vérité toute pure est que je suis adoré. Parce qu'avec moi, cela va un peu vite. Mais quant à vous, vous êtes à la veille de l'être. Et je vous le prouve, car voilà votre futur idolâtre qui vous cherche. Écarte-toi. N'est-ce pas là le cavalier que je vis hier ramasser le gant de ma sœur? Je n'en ai guère vu de si bien fait. Il me regarde. J'étais hier démasquée avec ce même habit, il me retenait sans doute. Puisque le hasard vous offre encore à mes yeux, madame, permettez que je ne perde pas le bonheur qu'il me procure. Que mon action ne vous irrite point, ne la regardez pas comme un manque de respect pour vous. Le mien est infini. Jamais on ne craignit tant de déplaire, et jamais cœur en même temps ne fut forcé de céder à une passion, ni si soumise, ni si tendre. Monsieur, je ne m'attendais pas à un tel abord. Et quoi que vous m'ayez vu hier ici, comme en effet j'y étais démasquée, cette façon de se voir n'établit entre nous aucune connaissance. Tel n'est point l'usage avec les personnes de mon sexe. Ainsi, vous voulez bien que l'entretien finisse? De grâce, madame, ne me laissez point en proie à la douleur de croire que je vous ai offensée. La joie de vous trouver ici m'a égarée, j'en conviens. Je dois vous paraître coupable d'une hardiesse que je n'ai pourtant point. Car je n'ai su ce que je faisais, mais je tremble devant vous, au moment que je vous parle. Je ne puis vous écouter. Mais voulez-vous ma vie en réparation de l'audace dont vous m'accusez? Je vous la porte, elle est à vous. Mon sort est entre vos mains. Je ne saurai plus vivre si vous me rebutez. Vous, monsieur? J'explique ce que je sens, madame. Je me donnais hier à vous. Je vous consacrais mon cœur. Je conçus le dessein d'obtenir grâce du vôtre, et je mourrai s'il me la refuse. Jugez si un manque de respect est compatible avec de pareils sentiments. Vos expressions sont vives et pressantes, assurément. Il est difficile de rien dire de plus fort. Mais, enfin, plus j'y pense et plus je vois qu'il faut que je me retire, monsieur. Il n'y a pas moyen de se prêter à une conversation comme celle-ci, et je commence à avoir plus de tort que vous. De grâce, madame, encore un mot qui décide de ma destinée et je finis. Me haïssez-vous? Je ne dis pas cela. Je ne pousse point les choses jusque-là, elles ne le méritent pas. Sur quoi voudriez-vous que fût fondée ma haine? Vous m'êtes inconnu, monsieur. Attendez donc que je vous connaisse. Me sera-t-il permis de chercher à vous être présenté, madame? Vous n'aviez qu'à moi à me dire tout à l'heure, vous l'avez dit, et vous continuez, monsieur. Achevez donc ou je m'en vais, car il n'est pas dans l'ordre que je reste. Oui, oh, je vous entends. Vous ne voulez pas que je vous voie davantage? Oh, je suis au désespoir. En vérité, monsieur, après m'avoir appris que vous m'aimez, me conseilleriez-vous de vous dire que je veux bien que vous me voyez? Je ne pense pas que cela m'arrive. Vous m'avez demandé si je vous haïssais, je vous ai répondu que non. En voilà bien assez, ce me semble. N'imaginez pas que j'aille plus loin. Quant aux mesures que vous pouvez prendre pour vous mettre en état de me voir avec un peu plus de décence qu'ici, ce sont vos affaires. Je ne m'opposerai pas à vos desseins, car vous trouverez bon que je les ignore. Et il faut même que cela soit ainsi. Un homme comme vous a des amis, sans doute. Il n'aura pas besoin d'être aidé pour se produire. Mais hélas, madame, je m'appelle Ergaste, et je n'ai d'amis ici que le comte de Beffort qui m'arrêta hier comme j'arrivais du Dauphiné, et qui me menace sur le champ dans cette campagne-ci. Le comte de Beffort, dites-vous? Je ne savais pas qu'il fût ici. Nos maisons sont voisines, apparemment, qu'il nous viendra voir. Et c'est donc chez lui que vous êtes actuellement, monsieur? Mais oui, madame. Je le laissais hier donner quelques ordres après dîner, et je vins me promener dans les allées de ce petit bois où j'apercevais du monde. Je vous y vis. Vous vous y démasquâtes un instant, et dans cet instant, vous devintez l'arbitre de mon sort. Mais j'oubliais que je retournais à Paris, j'oubliais jusqu'à un mariage avantageux qu'on m'y ménageait, et auquel je renonce. Quant à la personne avec qui j'allais le conclure, rien ne me lie avec elle qu'un simple rapport de conditions de fortune. Dès que ce mariage vous est avantageux, la partie se renouera. La dame est aimable, sans doute, et vous ferez vos réflexions. Mais non, madame, mes réflexions sont faites, et je vous le répète encore, je ne vivrai que pour vous, ou je ne vivrai... pour personne. Trouvez grâce à vos yeux, voilà à quoi j'ai mis toute ma fortune. Mais je ne veux plus rien dans le monde si vous me défendez d'y aspirer. Moi, monsieur, je ne vous défends rien. Je n'ai pas ce droit-là. On est le maître de ses sentiments. Et si le comte de Beffort, dont vous parlez, allez vous mener chez moi, je le suppose, parce que cela peut arriver, je serai même obligée de vous y bien recevoir. Obligée, madame? Vous ne m'y souffrirez donc que par politesse? À vous dire vrai, monsieur, j'espère bien agir que par ce motif-là, du moins d'abord. Car de l'avenir, qui est-ce qui en peut répondre? Mais vous, madame, oh, si vous le voulez. Je ne sais rien encore là-dessus. Puisqu'ici même, j'ignore ce que c'est que l'amour. Et je voudrais bien l'ignorer toute ma vie. Vous aspirez, dites-vous, à me rendre sensible. À la bonne heure, personne n'y a réussi. Vous le tentez, nous verrons ce qu'il en sera. Mais je vous saurai bien mauvais gré si vous y réussissez mieux qu'un autre. Oh non, madame, je n'y vois point d'apparence. Je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Cependant, je crois qu'il sera bon avec vous de prendre garde à soi de plus près qu'avec un autre. Mais voici du monde. Je serais fâchée qu'on nous vit ensemble. Éloignez-vous, je vous prie. Il n'est point tard, madame. Continuez-vous votre promenade et pourrais-je espérer, si l'occasion s'en présente, vous revoir encore ici quelques instants. Oh, si vous me trouvez seule, éloignée des autres, dès que nous nous sommes parlé, que grâce à votre précipitation, la faute en est faite, oh, je crois que vous pourrez m'aborder sans conséquence. Oh, mais cependant, je pars sans avoir eu encore la douceur de voir ses yeux, oh, ses traits. Il est trop tard pour vous en plaindre, mais vous m'avez vu. Éloignez-vous, car on approche. Sinon folle. Je lui donne une espèce de rendez-vous et j'ai peur de le tenir. Qui puisait. Madame. Oh, madame. Je viens vous demander votre avis sur une commission qu'on m'a donnée. Mais qu'est-ce que c'est? Voulez-vous avoir compagnie? Non. Quelle est cette compagnie? C'est ce monsieur Damis qui est si amoureux de vous. Damis? Je n'ai que faire de lui ni de son amour. Est-ce qu'il me cherche? De quel côté vient-il? Il ne vient par aucun côté car il ne bouge pas. Et c'est moi qui viens pour lui afin de savoir où vous êtes. Lui dirais-je que vous êtes ici ou bien ailleurs? Non, nulle part. Mais cela ne se peut pas. Il faut bien que vous soyez en quelque endroit. Vous n'avez qu'à dire où vous les êtes. Quel imbécile. Rapporte-lui que tu ne me trouves pas. Oui, mais je vous ai pourtant trouvé. Comment font-nous? Non, je t'ordonne de lui dire que je n'y suis pas. Car je m'en vais. Ah ben, vous avez raison. Quand on s'en va, on n'y est pas. Cela est clair. Ne voilà-t-il pas encore, ma sœur? J'ai tourné mal à propos de ce côté-ci. M'a-t-elle vue? Je la trouve embarrassée. Qu'est-ce que cela signifie? Ergaste, n'y aurait-il pas? Il faut lui parler. Je sais le moyen de la congédier. Voilà, ma sœur. Oui, je me promenais. Et vous, ma sœur? Moi de même. Le plaisir de rêver m'a insensiblement amenée ici. Et poursuivez-vous votre promenade? Encore une heure ou deux. Une heure ou deux? Oui, parce qu'il est de bonne heure. Je suis d'avis d'en faire autant. De quoi sa vie seule? Comme il vous plaira. Vous paraissez rêveuse. Oui. Je rêve. Ces lieux-ci invitent. Mais nous aurons bientôt de la compagnie. Damis vous cherche. Et viens par là. Damis, sur ce pied-là, je vous quitte. Adieu. Vous savez combien il m'ennuie. Ne lui dites pas que vous m'avez vue. Rappelons Arlequin afin qu'il observe. Vous savez bien que je la ferai partir. Quoi, toute seule, madame? Oui, Lisette. Il est ici. Qui? Vous ne m'entendez pas? Non. Cet aimable jeune homme qui vous rendit hier un petit service de si bonne grâce. Ce jeune officier. Oui. C'est bien qu'il y soit. Que veux-tu que j'y fasse? Mais c'est qu'il vous cherche. Et si vous voulez l'éviter, il ne faut pas rester ici. L'éviter? Que tu crois seulement qu'il me parlera? Oh, il n'y manquera pas. La petite aventure d'hier le lui permet de reste. Bah, il ne me reconnaîtra seulement pas. Vous êtes pourtant bien reconnaissable. Et de l'air dont il vous lorgna hier, je vais gager qu'il vous voit encore. Ainsi, prenons par là. Non. Je suis trop là. Il y a longtemps que je me promène. Ah, oui, da. Un bon quart d'heure à peu près. Mais pourquoi me fatiguerais-je à fuir un homme qui, j'en suis sûre, ne songe pas plus à moi que je ne songe à lui? Mais c'est bien assez qu'il y songe autant. Que veux-tu dire? Vous n'avez encore parlé de lui que 3 ou 4 fois. Ne te figurerais-tu pas que je suis venue seule ici pour lui donner occasion de m'aborder? Il n'y a point de plaisir avec vous, vous devinez mot à mot ce qu'on pense. Tu es folle. Si vous n'étiez pas venue de vous-même, je devais vous y amener, moi. M'y amener? Vous êtes bien hardie de me le dire. Bon, je suis encore plus hardie. C'est que je crois que vous y seriez venue. Moi? Sans doute. Et vous auriez eu raison. Car il est fort aimable. N'est-il pas vrai? J'en conviens. Et ce n'est pas là tout. C'est qu'il vous aime. Autre idée. Ouida, peut-être que je me trompe. Sans doute. À moins qu'on ne te l'ait dit. Mais je suis persuadée que non. Qui est-ce qui t'en a parlé? Son valet m'en a touché quelque chose. Son valet. Et ce valet t'a demandé le secret, apparemment. Non. Ça revient pourtant au même. Car je renonce à savoir ce qu'il vous a dit, s'il faut vous interroger pour l'apprendre. Oh, j'avoue qu'il y a un peu de malice dans mon fait. Mais ne vous fâchez pas. Ergast vous adore, madame. Tu vois bien qu'il ne sera pas nécessaire que je l'évite, car il ne paraît point. Non, mais voici son valet qui me fait signe d'aller lui parler. Irai-je savoir ce qu'il me veut? Tu le peux, je ne t'en empêche pas. Si vous ne vous en souciez guère, ni moi non plus. Mais ne vous embarrassez pas que je m'en soucie. Et allez toujours voir ce qu'on vous veut. Parlez donc. Ton maître est-il là? Oui, il demande s'il peut reparaître puisqu'elle est seule. Madame, c'est monsieur le marquis Ergast, qui aurait grande envie de vous faire encore la révérence et qui, comme vous voyez, vous en sollicite par le plus révérencieux de tous les valets. Je l'avais prévu, je me serais retirée. Lui dirais-je que vous n'êtes pas de cet avis-là? Mais je ne suis d'avis de rien. Réponds ce que tu voudras, qu'il vienne. On est d'avis de rien, mais qu'il vienne. Le voilà tout venu. Toi, avertis-nous si quelqu'un approche. Que ce jour-ci est heureux pour moi, madame. Avec quelle impatience n'attendais-je pas le moment de vous revoir encore? J'ai observé que lui, il était seul. Vous avez fort bien fait d'avoir cette attention-là, car nous ne nous connaissons guère. Quoi qu'il en soit, monsieur, vous avez souhaité me parler. J'ai cru pouvoir y consentir. Auriez-vous quelque chose à me dire? Ce que mes yeux vous ont dit avant mes discours, ce que mon cœur sent mille fois mieux qu'ils ne le disent, ce que je voudrais vous répéter toujours, que je vous aime, que je vous adore, que je ne vous verrai jamais qu'avec transport. Mon rapport est-il fidèle? Vous m'avouerez, monsieur, que vous ne mettez guère d'intervalle entre me connaître, m'aimer, me le dire. Un pareil entretien aurait pu être précédé de certaines formalités de bienséance qui sont ordinairement nécessaires. Je crois vous l'avoir déjà dit, madame. Je n'ai su ce que je faisais. Oubliez une faute échappée à la violence d'une passion qui m'a troublé et qui me trouble encore toutes les fois que je vous parle. Qu'il a le débit tendre. Avec tout cela, monsieur, convenez pourtant qu'il en faudra revenir à quelqu'une de ces formalités dont il s'agit. Si vous avez dessein de me revoir encore. Si j'en ai dessein, mais je ne respire que pour cela, madame. Le comte de Beffort doit vous rendre visite ce soir. Est-ce qu'il est de vos amis? Oh, mais c'est lui, madame, chez qui il me semble vous avoir dit que j'étais. Je ne me le rappelais pas. Je l'accompagnerai chez vous, il me l'a promis. S'engage-t-il à quelque chose qui vous déplaise? Consentez-vous que je lui ai cette obligation? Votre question m'embarrasse. Dispensez-moi d'y répondre. Est-ce que votre réponse me serait contraire? Mais point du tout. Et c'est ce qui fait qu'on n'y répond pas. Oh. Adieu, monsieur, j'attendrai le comte de Beffort. Quelqu'un approche, laissez-moi seul continuer ma promenade. Nous pourrons nous y rencontrer encore. Je viens vous dire que je vois de loin une espèce de petit homme bariolé qui s'enfuit. Mais retirons-nous vite, madame, c'est Arlequin qui nous épie. Oh, je suis enchanté, Franta, je suis transporté. Voilà deux fois que je lui parle aujourd'hui. Qu'elle est aimable, que de grâce, et qu'il est doux d'espérer de lui plaire. Bon, espérez, si la belle vous donne cela pour de l'espérance, elle ne vous trompe pas. Beffort m'y mènera ce soir. Cela fera une petite journée de tendresse assez complète. Mais que nous veut ce garçon-ci? C'est le beau blond que j'ai vu venir. Vous êtes mon homme, c'est vous que je cherche. Ah, parle, que me veux-tu? Où est ton chapeau? Ouais, sur ma tête. Il n'y est plus. Mais il y était quand je l'ai dit. Et il y retourne. De quoi est-il question? D'un discours malhonnête que j'ai ordre de vous tenir et qui ne demande pas la cérémonie du chapeau. Un discours malhonnête? À moi? De quelle part? De la part d'une personne qui s'est moquée de vous. Oh, insolente, expliqueras-tu? Dites vos injures à ma commission, c'est elle qui est insolente et non pas moi. Voulez-vous que j'estropie le commissionnaire, monsieur? Cela n'est pas de l'ambassade. Je n'ai point ordre de revenir estropillé. Qui est-ce qui t'envoie? Une dame qui ne fait point cas de vous. Quelle est-elle? Ma maîtresse. Est-ce que je la connais? Vous lui avez parlé ici. Quoi, c'est cette dame-là qui t'envoie dire qu'elle se moque de moi? Elle-même, en original. Je lui ai aussi entendu marmotter entre ses dents que vous étiez un grand fourbe. Mais comme elle ne m'a point commandé de vous le rapporter, je n'en parle qu'en passant. Moi, fourbe? Oh, oui, mais rien qu'entre les dents, un fourbe. Tout bas. Frontin, après la manière dont nous nous sommes quittés, je t'ai dit que j'espérais. Alors, y comprends-tu quelque chose? Oui, dame, monsieur, esprit de femme et caprice, voilà tout ce que c'est. Qui dit l'un suppose l'autre, les avez-vous jamais vus séparés? Oh, ils sont unis comme les cinq doigts de la main. Mmh. Alors... Oh, mais ne te tromperais-tu pas? Ne me prends-tu point pour un autre? Ah, ah, ah, que non. N'êtes-vous pas un homme d'hier? Bah, qu'appelles-tu un homme d'hier? Je ne t'entends pas. Mais... Il parle de vous comme d'un enfant en maillot. Est-ce que les gens d'hier sont de cette taille-là? J'entends que vous êtes ici d'hier. Oui. Un officier de la majesté du roi. Sais-tu mon nom? Je l'ai dit à cette dame. Ah. Ah. Oh! Elle me l'a dit aussi. Un appelé Ergaste. C'est cela même? Ah, ben c'est vous qu'on n'estime pas. Vous voyez bien que le paquet est à votre adresse. Il n'y a plus qu'à lui en payer le port, non, monsieur. Non, oh. C'est port payé. Oh, je suis au désespoir. On s'est un peu diverti de vous. En passant, on vous regarde à présent comme une farce qui n'amuse plus. Adieu. Je m'y perds, enfin... Oh, attendez. Il y a encore un petit reliquat. Je ne vous ai donné que la moitié de votre affaire. Ah, j'ai ordre de vous dire... Ben, j'ai oublié mon ordre. La moquerie 1, la farce 2... Il y a un troisième article. S'il ressemble au reste, nous ne perdrons rien de curieux. Non. Oh, oh, pardi. Il est tout de son nom dans ces tablettes-ci. Ben, montre donc. Non, non, pas, s'il vous plaît, je ne dois pas vous les montrer. Cela m'est défendu. Parce qu'on s'y repentit d'y avoir écrit à cause de la bienséance et de votre peu de mérite. Et on m'a crié de loin de les supprimer, de vous expliquer le tout dans la conversation. Oui. Ben, laissez-moi voir ce que j'oublie. Oh, ben, à propos, je ne sais pas lire. Lisez donc vous-même. Mais morbleu, monsieur, laissez donc là ces tablettes et n'y répondez que sur le dos du porteur. Je n'ai jamais été le pupitre de personne. Je viens de vous apercevoir au genou de ma sœur. Et moi? Ah. Vous jouez fort bien la comédie. Oh. Oh. Ah. Vous me l'avez donné tantôt, mais je n'en veux plus. Oh. Ah. Je vous avais permis de m'aborder encore, et je vous le défends. Oh. Oh. Ah. J'oublie même que je vous ai vu. Oh. Oh. Ah. Tout juste. Voilà l'article qui nous manquait. Plus de fréquentation. C'est l'intention de la tablette. Bonsoir. Mais arrête, où est-elle? Je suis sous. Attends que j'ai fait du moins un mot de réponse. J'entends. Tiens, prends et arrête. Oh, merci. Oh, quand je parle de chansons, c'est que j'en vais chanter une, faite à votre aise. Bon cavalier, je n'ai jamais vu de fourbe si honnête homme que vous. Ah, mais je me prends pas, je n'ai qu'un pas à faire pour aller au logis, je vais y écrire un billet. Puisqu'il me paie des injures, voyez combien je gagnerais avec lui si je lui apportais des compliments. Voilà de jolies paroles que tu chantes là. Ben ma foi, je n'en sais point d'autre. Alors. Divertis-moi. Ton maître t'a chargé de cela. Fais-moi rire. Et avec quoi te divertirais-je donc? Aimes-tu les contes des fées? Ah non, je ne me soucie ni de contes ni de marquis. Parlons donc de boire. Voyons donc le sujet du discours. Le vin, n'est-ce pas? On l'a mis au frais. Oui, qu'on en retire, j'aime à boire chaud. Ah, cela est malsain. Expédions la bouteille. Ah, doucement, je n'ai pas le sou, mon garçon. Oh, oh, oh, ce misérable. Et du crédit? Oh, oh, avec cette mine-là, où veux-tu que j'en trouve? Mets-toi à la place du marchand de vin. Ben, tu as raison, je te rends justice, on ne saurait rien emprunter sur cette grimace-là. Ah non, il n'y a pas moyen, elle est trop sincère, okay. Mais... Il y a remède à tout. Paix, et je te le rendrai. Ah, ah, ah, ouais. Ah, tu me le rendras. Mets-toi à ma place aussi. Le croirais-tu? Ah non, tu réponds juste. Mais paie en pur don, par galanterie. Sois généreux. Je ne saurais, car je suis vilain, je n'ai jamais bu à mes dépens. Ah, morbleu. Que ne sommes-nous à Paris? J'aurai crédit. Ah. Et que fait-on à Paris? Parlons de cela, faute de mieux. Est-ce une grande ville? Qu'appelles-tu une ville? Paris, c'est le monde. Le reste de la terre n'en est que les faubourgs. Si je n'aimais pas Lisette, j'irais voir le monde. Lisette, dis-tu? Oui, c'est ma maîtresse. Dis donc que ce l'était, car je te l'ai soufflé hier. Ah, maudit souffleur! Accélérat! Ah, chenapan! Mon ami, cours porter cette lettre à la dame qui t'envoie. C'est moi mieux être le postillon du gars, qui vous emporte tous deux. Vous, et ce coquin, qui est la copie d'un fripon, ce maraud, qui n'a ni argent, ni crédit, ni mot pour rire, un sorcier qui souffle les filles. Un gredin qui dit que je ne suis pas dans le monde et que mon pays n'est qu'un faubourg, c'est insolent, un faubourg. Va, va, je t'apprendrai à connaître les villes. Qu'est-ce que ça signifie? En rien, monsieur, c'est une bagatelle, c'est une affaire de jalousie. C'est que nous nous trouvons rivaux et il en sent la conséquence. De quoi aussi t'avises-tu de parler de Lisette? Monsieur, vous avez vu des amants. Devineriez-vous que cet homme-là en est un, dit en conscience. Bon, ben va chercher toi-même cette dame et lui remets mon billet, le plus tôt que tu pourras. Mais soyez tranquille. Je vous rendrai bon compte de tout ceci par les moyens de Lisette. Mais hâte-toi, car je souffre. Ça vit-on jamais rien de plus étonnant que ce qui m'arrive ici? Bon, il faut absolument qu'elle se soit méprise. N'avez-vous pas vu la sœur de madame, monsieur? Mais non, Lisette, de qui me parles-tu? Je n'ai vu que ta maîtresse et je ne me suis entretenu qu'avec elle. Sa sœur m'est totalement inconnue. Je n'entends rien dans ce qu'on me dit là. Pourquoi vous fâchez? Je ne vous dis pas que vous l'ayez parlé, je vous demande si vous ne l'avez pas aperçu. Mais non, te dis-je, non, encore une fois, non. Je n'ai vu de femme que ta maîtresse. Et quiconque lui a rapporté autre chose a fait une imposture. Et si elle croit avoir vu le contraire, elle s'est trompée. Ah, ma foi, monsieur, si vous n'entendez rien à ce que je vous dis, je ne vois pas plus clair dans ce que vous me dites. Vous voilà dans un mouvement épouvantable à cause de la question du monde la plus simple que je vous fais. Mais à qui en avez-vous? Est-ce distraction, méchante humeur ou fantaisie? D'où vient qu'on me parle de cette sœur? D'où vient qu'on m'accuse de m'être entretenu avec elle? Mais qui est-ce qui vous en accuse? Où avez-vous pris qu'il s'agisse de cela? En ai-je ouvert la bouche? Frontin est allé porter un billet à ta maîtresse où je lui jure que je ne sais ce que c'est. Oh, le billet était fort inutile. Et je ne vous parle ici de cette sœur que parce que nous l'avons vue se promener ici près. Mais qu'elle s'y promène ou non, ce n'est pas ma faute, Lisette. Et si quelqu'un s'est jeté à ses genoux, je te garantis que ce n'est pas moi. Oh, ma foi, vous me fâchez aussi. Et vous ne me ferez pas à croire qu'il ne me soit rien échappé sur cet article-là. Il faut écouter ce qu'on vous dit. Et répondre raisonnablement aux gens et non pas aux visions que vous avez dans la tête. Dites-moi seulement si vous n'avez pas vu la sœur de madame. Et puis c'est tout. Mais non, Lisette, non! Moi, tu me désespères, tu... Oh, ma foi! Vous êtes sujet à des vapeurs? Ou bien auriez-vous par hasard de l'antipathie pour le mot de sœur? Ah, fort bien! Oh, fort mal! Bon, écoutez-moi. Si vous le pouvez. Ma maîtresse a un mot à vous dire sur le comte de Beffa. Elle n'ose y revenir à cause de cette sœur dont je vous parle et qu'elle a aperçu se promener en ces cantons-ci. Or, vous m'assurez ne l'avoir point vue. Mais Lisette, j'en ferai tous les serments imaginables. Je vous crois. Ne plaisantez qu'un. Quoi qu'il en soit, ma maîtresse va revenir. Attendez-la. Elle va revenir, dis-tu? Oui, Clarisse elle-même. Et j'arrive exprès pour vous en avertir. C'est là qu'il en tient. Quel dommage. Puisque Clarisse revient, apparemment qu'elle s'est désabusée et qu'elle a reconnu son erreur. Eh bien, Frontin, mon billet a été bien reçu. On n'est plus fâchés, n'est-ce pas? Qui est-ce qui vous fournit vos nouvelles, monsieur? Pourquoi? C'est que moi qui sors de la mêlée, je vous en apporte d'un peu différente. Qu'est-il donc arrivé? Tirez sur ma figure l'horoscope de notre fortune. Et mon billet? Hélas, c'est le plus maltraité. Ne voyez-vous pas que j'emporte le deuil d'avance? Mais qu'est-ce que c'est que d'avance? Où est-il? Dans ma poche, en fort mauvais état. Tenez, jugez vous-même s'il en peut revenir. Déchiré? Ah, là, cruellement. Eh bien, m'en a pris d'être d'une étoffe d'un peu plus de résistance que lui, car je ne reviendrai pas en meilleur état. Je ne dis rien des ignominies qui ont accompagné notre disgrâce et dont j'ai risqué de vous ramener un certificat sur ma joue. Alors, Lisette qui sort d'ici m'a donc joué? Non, que vous a-t-elle dit, cette double soubrette? Que j'attendisse ici sa maîtresse, qu'elle allait y venir pour me parler et qu'elle ne songeait à rien. Ce que vous me dites là ne vaut pas le diable. Ne vous fiez point à ce calme-là, monsieur, vous en serez la dupe. Nous revenons houspiller, votre billet et moi. Allez-vous-en, sauvez le corps de réserve. Que s'est-il passé? En voici la courte et lamentable histoire. J'ai trouvé l'inhumaine à 30 ou 40 pas d'ici. Je vole à elle, je l'aborde en courrier suppliant, c'est de la part du marquis Ergaste, lui dis-je d'un ton de voix qui demandait la paix. Qu'est-ce, mon ami, qui voulez-vous, qu'est-ce que c'est cet Ergaste? Allez, vous méprenez, retirez-vous, je ne connais point cela. Madame, que votre beauté est pour agréable de m'entendre. Je viens pour un homme à demi-mort, et peut-être actuellement défunt, qu'un petit valet est venu de votre part assassiner dans des tablettes. Et voici les mourantes lignes que vous en dressent dans ce papier son douloureux amour. Je pleurais moi-même en lui tenant ces discours lugubres. On lui dit que vous étiez enterré et que c'était votre testament que j'apportais. Oh, mais chef, que t'a-t-elle répondu? Sa réponse? La voilà. Mot pour mot. Il ne faut pas grande mémoire pour en retenir les paroles. L'ingrate. Quand j'ai vu cette action barbare et le papier couché sur la poussière, je l'ai ramassé. Ensuite, redoublant de zèle, j'ai pensé que mon esprit devait suppléer au vôtre. Et vous n'avez rien perdu au change. On n'écrit pas mieux que j'ai parlé. Et j'espérais déjà beaucoup de ma pièce d'éloquence, quand le vent d'un revers de main qui m'a frisé la moustache a forcé le harangueur de s'arrêter aux deux tiers de sa harangue. Oh non, je ne reviens pas de l'étonnement où tout cela me jette. Je ne conçois rien au motif d'une aussi sanglante raillerie. Monsieur, la voilà. Je la vois qui arrive et je me sauve. C'est peut-être le soufflet qui a manqué tantôt qu'elle vient d'essayer de faire réussir. Je prends l'instant où ma sœur qui se promène là-bas est un peu éloignée pour vous dire encore un mot, monsieur. Vous devez, dites-vous, accompagner ce soir au logis le comte de Beffort. Silence, je vous prie, sur nos entretiens dans ce lieu-ci. Vous pensez bien qu'il faut que ma sœur et lui les ignorent. Adieu. Quel étrange procédé que le vôtre, madame. Vous reste-t-il quelque nouvelle injure à faire à ma tendresse? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Vous m'étonnez. Ne vous l'ai-je pas dit? C'est que vous lui parlez de votre sœur. Il ne saurait entendre ce mot-là sans en être furieux. Je n'en ai pas tiré plus de raison tantôt. La bonne âme, vous verrez que nous aurons encore tort. N'approchez pas, monsieur, plaidez de loin. Madame a la main légère, elle me donne un soufflet, vous dis-je, elle vous le paierait peut-être. En tout cas, je vous le donne. Un soufflet? Que veut-il dire? Ma foi, madame, je n'en sais rien. Il y a des fous qu'on appelle visionnaires, n'en serait-ce pas là? Expliquez donc cette énigme, monsieur, quelle injure vous a-t-on fait? Mais qu'appelez-vous énigme, madame? À quoi puis-je attribuer cette contradiction dans vos manières qu'au dessein formel de vous moquer de moi? Où ai-je vu cette sœur à qui vous voulez que j'ai parlé ici? Toujours cette sœur, ce mot-là lui tourne la tête. Et ces agréables tablettes où nos soupirs sont traités de farce et qui sont chargés d'un congé à notre adresse? Lisette, sais-tu ce que c'est? Bon, ne voyez-vous pas que le mal est au timbre? Comment avez-vous reçu mon billet, madame? Dans l'état où vous l'avez mis. Je vous demande à présent ce qu'on en peut faire. Pousser le mépris jusqu'à refuser de le lire. Non, attaquer la joue d'un orateur, le forcer d'esquiver une impolitesse, où en serait-elle, hein, si elle avait été maladroite? Méritais-je que ce papier fût déchiré? Ce soufflet était-il à sa place? Madame, sommes-nous en sûreté avec eux? Ils ont les yeux bien égarés. Ergas, je ne vous crois pas un insensé. Mais tout ce que vous me dites là ne peut être que l'effet d'un rêve. De quelque erreur dont je ne sais pas la cause. Voyons. Je vous avertis, pourtant, s'approche, madame. Je ne me garde que pour un instant, Ergas, car je veux éclaircir cette aventure-ci. Et en effet, Frontin, te serais-tu trompé? Bon. N'aurais-tu point porté mon billet à une autre? Oubliez-vous les tablettes? Sont-elles tombées des nues? Vous venez de m'envoyer un billet, monsieur, qui me fait craindre que vous ne tentiez de me parler ou qu'il ne m'arrive encore quelques nouveaux messages de votre part. Et je viens vous prier moi-même qu'il ne soit plus question de rien, surtout que vous le cachiez à ma sœur. C'est tout ce que j'avais à vous dire et je passe. Entends-tu, Frontin? Mais où diable est donc cette sœur? Quoi? Vous vous connaissez donc? Monsieur, voilà une friponne sur ma parole. Êtes-vous confondu? Si je la connais, madame, je veux que la foudre m'écrase. Oh, le petit traître! Vous ne me connaissez point! Mais non, madame, je ne vous vis jamais, je vous jure. Et je vous crois même une personne apostée pour vous divertir à mes dépens ou pour me nuire. Mais je vous jure, madame, par tout ce que j'ai donné... Ne jurez pas, ce n'est pas la peine. Je ne me soucie ni de vous, ni de vos serments. Mais que vois-je? Je ne vous connais pas non plus. C'est pourtant le même habit à qui j'ai parlé, mais ce n'est pas la même tête. Retournons-nous-en, ma sœur, et soyons discrètes. Oh, je vous reconnais, c'est vous que j'adore. Oh, sur ce pied-là, tout est éclairci. Oh, mais c'est l'habit qui m'a acheté dans l'erreur. Je vous demande mille pardons de ma méprise, madame. Je ne suis pas capable de changer, mais personne au monde ne rendrait l'infidélité plus pardonnable que vous. Point de compliment, monsieur le marquis. Reconduisez-nous au logis sans attendre que le comte de Beffort s'en mêle. L'aventure a bien fait de finir, j'allais vous croire échapper des petites maisons. Ah, va, va. Puisque je t'aime... Je ne me vante pas d'être trop sage. Oh, et toi, Lisette, l'aimes-tu? Comment va le cœur? Demande-lui des nouvelles, c'est lui qui me le garde.